et son manteau blanc qui couvrait les champs a disparu. Et dans le ciel bleu, la nature s'éveille, montrant toujours ses merveilles. C'est la fête dans les Molières, un soleil sans pareil fait resplendir les vertes brières et chauffe les cœurs de 20 ans. Les oiseaux chantent et s'aiment dans les bois, et même les amoureux s'en donnent à cœur joie. C'est la fête dans les Molières quand revient le gai printemps. C'est la fête dans les Molières, un soleil sans pareil fait resplendir les vertes brières et chauffe les cœurs de 20 ans. Les oiseaux chantent et s'aiment dans les bois, et même les amoureux s'en donnent à cœur joie. C'est la fête dans les Molières quand revient le gai printemps. Radio. Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous et à toutes, il est 13h32, et bien voilà, le retour de Nicolas jusqu'à 16h pour l'émission différente avec plusieurs chansons comme à l'instant où on a pu entendre avec l'accordéon, donc on va en retrouver d'autres, il y aura d'autres styles de musique un peu comme celui-là, et puis aussi avec du français, du portugais, et puis d'autres musiques. Voilà donc, merci, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, et puis donc, eh bien, le soleil est de retour, donc eh bien, j'espère que vous êtes très content d'avoir un peu le soleil avec vous. Mais de toute façon, même qu'il fasse du soleil ou pas du tout, eh bien, tout simplement, la musique est toujours là avec vous pour vous faire plaisir. Voilà donc, je vous laisse avec quelques morceaux d'accordéon et puis juste après lui, ben tout simplement on ira faire un petit tour avec Catherine Lara. Mais ça fait un petit peu longtemps qu'on ne l'a pas entendue, donc eh bien la voici tout simplement juste après l'accordéon.

Estamos todos a apoiar a nossa seleção. Ninguém nos vai parar, força Portugal. Estamos todos juntos rumo a essa mundial. Eduardo na baliza, Bruno Alves na defesa, Cristiano no ataque. Isto vai ser checkmate. Desmagadas a alegria de um povo que acredita que neste mundial a taça vem para Portugal. Com toda a euforia, a batida contagia. Vamos à África mostrar que o nosso povo tem uma só fé, é uma só nação. E vem comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. E vem comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. E vem comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. Será sempre Portugal. O jogo só acaba quando o árbitro apitar. Vamos dar as mãos e vamos acreditar. O Deco tem a bola, tudo sob controlo. E faz a assistência para o Simão marcar um gol. Nas bancadas a alegria de um povo que acredita que neste Mundial a taça vem para Portugal. Com toda a euforia, a batida contagia. Vamos à África mostrar que o nosso povo tem uma só fé, é uma só nação. Vive comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. Vive comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. Vive comigo, força Portugal. Uma só fé, é uma só nação. Vive comigo, força Portugal. Voici donc, ça s'appelle Mireille Mathieu, et puis juste après elle, ça sera Pierre Lops avec Je Saurai. Toi, l'ami étranger, toi, le frère. Dans ton île, ici comme ailleurs, il y a des fleurs cachées dans les cœurs. Ici comme ailleurs, ici comme ailleurs, il existe un peu partout des gens comme nous. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Just

entrer dans ton cœur, guérir tes maux, tes douleurs, tes douleurs, oublier tous les malheurs pour un monde meilleur, un monde meilleur. Les plus belles, et même je peux dire Que les saisons qui passent volent et fassent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime et ne plus partir. Je voudrais tellement les revoir, mais j'ai peur de ne plus savoir trouver les mots pour empêcher toutes nos larmes de couler. Tellement les revoir, mais j'ai peur de ne plus savoir trouver les mots pour empêcher toutes nos larmes de couler. Les émissions donc à partir de 17h jusqu'à 19h avec Francky avec l'émission Alfer Vant. Et puis donc demain sera mercredi à partir de 9h jusqu'à midi. Vous allez retrouver l'émission de Victor. Et puis donc avec l'émission Portugal No Festa. Et puis dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h. Avec tout simplement, ça s'appelle Gloria. Et puis juste après, avec Violette, l'émission traditionnelle entre 17h jusqu'à 19h30. Et puis pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, Vase de Portial avec Armand Giraud. Voici donc dans son regard, c'est le titre de Lily Harmony, et puis juste après ce sera un Garou, donc un petit coucou à Lily, et puis donc bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Qui vaut de l'or. c'est le temps ne nous attend pas. Un seul homme comme un cerf-volant, il nous glisse entre les doigts. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand. Après, ce sera Régis Fléchot avec Dans son rêve. I like my steak well done, potatoes fried, football games on Monday night. It's just who I am, a meat and potato man. Like my coffee black, old TV shows, my women hot and my beer ice cold. It's just who I am, an eating potato man. I don't like caviar, sushi bars, the IRS or phony stars. I'm a Haggard fan, an eating potato man. I like my fishing holes, lightning bugs, flattened scrugs, and my woman's love. It's just who I am. Man, I like my Wrangler jeans, cowboy boots, cornbread and beans, and country roots. It's just who I am, a meat and potato man. I don't like politics, hypocrites, folks with poodles dressed like kids. I'm a hound dog fan, a meat and potato man. Yeah, that's just what I am, a sweet potato man. Like to splash in the waves, baby, misbehave occasionally. I spend a fair amount of time at the floor, bam, a lot of tend to hang out more in Mobile and Gulf Shores. A very special charge locked in my heart, a place that I love to be. Cause I'm a Gulf Coast girl, partial to the warm winds and the salty water. On the beach in Biloxi, get tanner, get thinner, and go home a winner occasionally. We can surf Boca Chica and Galveston Bay, ride horses on the beach in South Padre. No, we're not in Kansas, hola, Portland. If you wanted to step with me, cause I'm a Gulf Coast girl, partial to the warm winds and the salty water. Se lève.

Voici donc deux morceaux différents du Portugal, et puis juste après, ce sera Laurent Anglemer. Eu grito e tenho dito, ela faz bruxedo. Ciel, découvrez la passion de la musique. Aurions-nous pu un jour penser à cette inoubliable soirée? Le chemin se serait de nouveau croisé. Aurions-nous pu un jour penser qu'après cette inoubliable soirée, le destin se serait finalement scellé? Je me vois dans tes yeux, je me vois dans ton serré, cherche pas d'ennui, mais le temps Et puis entendre Chris Adams avec Laissez-moi vivre. Voici avec l'accordéon. Ça change de musique. Hein. Laissez-moi vivre. Arc-en-ciel. C'est aussi ça. Thank you. radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc la suite des émissions donc pour vendredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Lorenzo. Et puis dans la fin d'après-midi, entre 16h jusqu'à 18h30 avec Manuel, l'émission Découverte. Et puis donc pour le samedi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine, avec l'émission Portugal Nous Corésiens, suivi de midi à 14h avec Sylvia. Et puis juste après, entre 14h30 jusqu'à 16h30 avec Carla. Et puis après, à partir de 17h jusqu'à 19h, ils sont deux, avec Julien et Louis. Et puis donc, pour le dimanche matin, à partir de 8h jusqu'à 10h, avec Antonio et Mathieu, avec l'émission Cantal Dougalo. Et puis après, à partir de 10h30 jusqu'à 12h30, et bien donc c'est à vous de faire l'émission avec le téléphone sonne, avec simplement Lionel, Jérôme et Katia. Voici donc, je vous laisse avec le titre tout simplement de Diego Morena et Jean-Philippe Audin. Ocarina. Juste après, ce sera Barry White. gonna get higher in your love, in your love. There's a Monday power, hour after hour for your love. Yes, I am. Ooh, sexy lady, I love the way you make me want your love. I need your love. With your super vision, I know you will agree. A super love collision has to control me. A super love connection is the only key. It takes a super lady to love a super guy like me. Super love, a super woman. You really got me coming off the ground. Girl, I'm bad. Super woman, super lover. There really is no other to be found. Nowhere around. I can't. Ooh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh. I can feel the fire. You fill me with desire for your love. I want your love. Ooh, you hypnotize me. The way you mesmerize me with your love. Give me your love. Burning lips on fire, hands that never rest, touching every part of me slow. Super love sensation makes my body wet. I get so intensified that I can't let go. Super love, a super woman, you just keep lifting my heart off the ground. I'm ready to die. Super woman, super lover. Really is no other to be found. Nowhere to ride. Super love, super woman. You really got me coming off the ground. Really have all the while. Super woman, super lover. There really is no other to be found. Nowhere to ride. Musique soul, on va un peu écouter d'autres chansons comptées françaises avec Laurent Bach et le titre s'appelle Parler à un mur. C'est moi, coucou. Tu fais quoi, tu vas où? Le dialogue est ouvert avec la terre entière. Sur le fil, ces mots de passage, ces messages où l'amitié fait rage. Et puis ces heures passées envolées à faire comme si on communiquait. Et

liqueur bronzée que tu as tant aimée va s'effondrer. Chérie, je vieillis, j'ai beau me cacher, je vieillis. Chérie, je vieillis, j'ai beau me cacher, je vieillis. On est parti au sport d'hiver. J'ai rien osé te dire. Mais sur les pistes mes nuits, j'ai compris que tes abdos feraient plus jamais, jamais tablette choco. Mon miroir adoré m'envoie l'image dévastée de ma gueule ridée. Mon miroir adoré m'envoie l'image dévastée de ma gueule ridée. Mais comme toi aussi, tu t'es pas mal décati. Je t'abandonnerai volontiers, volontiers. Sur le bord de la route en été, mais je peux pas te faire ça, non, non, je sais pas qui voudra de toi. Comme des cons avec nos doubles mentons, vieilles. Comme des cons avec nos doubles mentons, vieilles. Bien t'y faire, le temps roule pas à l'envers. Maintenant, maintenant, quand tu vois une petite poulette, te couvre les mirettes, tu fais le petit pas intéressé. Oh non, l'important, l'important, c'est la spiritualité. Tu devrais t'appliquer sur ta barbe et même ton nombril, ça va te changer. Tu devrais t'appliquer sur ta barbe et même ton nombril, ça va te changer. Pap-pap-pap du way, pap-pap-pap-pap du da, pap-dap-dap, du-dap, du-dap, du-day. Qu'à espérer qu'avec ton nouveau nez, tes bajoux raboteés, tes cheveux customisés, tu vieilliras à mes côtés.

acompanhar. Só boa gente com certeza, de férias a festejar. Ao longe a sua real, já brilha o cimo da igreja. Era agosto em Portugal, que o nosso povo tanto deseja. Não há como um mês de agosto, as romarias são a nossa tradição. Não há como um mês de agosto, 31 dias que trago no coração. Não há como um mês de agosto, o ano inteiro à espera de voltar. Não há como um mês de agosto, o mês de agosto em c'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est ton pouce, je fais. Ton passe à balle, je vais le travailler. Ton passe à balle, il va me tuer. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ya me acostumbré, ¿qué pasó? Ya me acostumbré, dímelo mami, ya me acostumbré, dale como reggaeton acostumbré, qué coloría, qué fantasía, que lleve esta música la mía, alguien hay más soberana que a mí, mueve tu cuerpo, tu anatomía, respira tu drogo, no resiste el fuego, evitamos ya buscar los shows, si tú te compras, si no la un amour de la femme. résoudre avec Franck Olivier. Ferme les yeux quelques instants. Souviens-toi du ciel d'Orient. Un ciel magique. Mon jour de chance, tu l'as changé.